Chapitre 8. La maison du pêcheur Ferrato. Andrea Ferrato était corse, originaire de Santa Manza, petit port de l'arrondissement de Sartène, situé derrière un retour de la pointe méridionale de l'île. Ce port, celui de Bastia et celui de Porto Vecchio, sont les seuls qui s'ouvrent sur cette côte orientale, si capricieusement découpée il y a quelques mille ans, maintenant uniformisée par le rongement continu des torrents qui ont peu à peu détruit ses caps, comblé ses golfes, effacé ses anses, dévoré ses cris. C'était là, à Santa Manza, sur cette étroite portion de mer, creusée entre la Corse et la terre italienne, quelquefois même jusqu'au milieu des rochers du détroit de Bonifacio et de la Sardaigne, qu'Andrea Ferrato exerçait son métier de pêcheur. 20 ans auparavant, il avait épousé une jeune fille de Sartène. 2 ans après, il en avait eu une fille, qui fut nommée Maria. Le métier de pêcheur est assez rude, surtout quand on joint à la pêche du poisson la pêche du corail, dont il faut aller chercher les bancs sous-marins au fond des plus mauvaises passes du détroit. Mais Andrea Ferrato était courageux, robuste, infatigable, habile aussi bien à se servir des filets que de la drague. Ses affaires prospéraient. Sa femme, active et intelligente, tenait à souhait la petite maison de Santa Manza. Tous deux, sachant lire, écrire, compter, étaient donc relativement instruits, si on les compare aux 150 000 illettrés que la statistique relève encore aujourd'hui sur les 260 000 habitants de l'île. En outre, peut-être grâce à cette instruction, Andrea Ferrato était très français, d'idées et de cœur, bien qu'il fût d'origine italienne, comme le sont la plupart des Corses. Et cela, à cette époque, lui avait valu quelque animosité dans le canton. Ce canton, en effet, situé à l'extrémité sud de l'île, loin de Bastia, loin d'Ajaccio, loin des principaux centres administratifs et judiciaires, est au fond resté très réfractaire à tout ce qui n'est pas italien ou sarde, regrettable état de choses dont on peut espérer de voir la fin avec l'éducation des générations nouvelles. Donc, ainsi qu'on l'a dit, animosité plus ou moins latente contre la famille Ferrato. Or, en Corse, de l'animosité à la haine, il n'y a pas loin, et de la haine aux violences, moins loin encore. Quelques circonstances envenimèrent bientôt ces dispositions. Un jour, Andrea Ferrato, à bout de patience, dans un mouvement de colère, fit une peau. Il tua un assez mauvais drôle du pays qui le menaçait, et dut prendre la fuite. Mais Andrea Ferrato n'était point homme à se réfugier dans le maquis, à vivre de cette vie de lutte quotidienne autant contre la police que contre les compagnons ou amis du mort, à perpétuer une série de vengeances qui auraient fini par atteindre les siens. Résolu à s'expatrier, il parvint à quitter secrètement la Corse pour se réfugier sur la côte sarde. Sa femme, lorsqu'elle eut réalisé leur petit bien, cédé la maison de Santa Manza, vendu les meubles, la barque et les filets, vint les rejoindre avec sa fille. Il avait renoncé à jamais revenir dans son pays natal. D'ailleurs, ce meurtre, bien qu'il eût été commis en état de légitime défense, pesait à la conscience d'Andrea Ferrato. Avec les idées quelque peu superstitieuses qui lui venaient de son origine, il avait à cœur de le racheter. Il se disait que la mort d'un homme ne lui serait pardonnée que le jour où il aurait sauvé la vie à un autre homme, au risque de la sienne. Il était résolu à le faire, si l'occasion s'en présentait. Cependant, Andrea Ferrato, après avoir quitté la Corse, n'était resté que peu de temps en Sardaigne, où il pouvait être facilement reconnu et découvert. S'il ne tremblait pas pour lui, étant énergique et brave, il tremblait pour les siens, que les représailles de famille à famille pouvaient atteindre. Il attendit le moment de s'éloigner sans exciter la défiance et passa en Italie. Là, à Ancône, une occasion lui fut offerte de traverser l'Adriatique et de gagner la côte istrienne. Il en profita. Voilà pourquoi, et à la suite de quelles circonstances, ce corps s'était établi au petit port de Rovigno. Depuis 17 ans, il y avait repris son métier de pêcheur, ce qui lui permit de reconquérir sa première aisance. 9 ans après son arrivée, un fils lui était né, qui fut nommé Luigi, et dont la naissance coûta la vie à sa mère. Depuis son veuvage, Andrea Ferrato vivait uniquement entre sa fille et son fils. Maria, alors âgée de 18 ans, servait de mère au jeune garçon qui allait atteindre sa 8e année. Et sans le regret toujours poignant d'avoir perdu sa vaillante compagne, le pêcheur de Rovigno eût été aussi heureux qu'on peut l'être par le travail et la satisfaction du devoir accompli. Il était aimé de tous dans le pays, étant serviable et de beaux conseils. On sait qu'il passait, à juste titre, pour habile à son métier. Au milieu de ces longues traînées de roches qui couvrent les rivages de l'Istrie, il n'eut pas à regretter ses pêches du golfe de Santa Manza et du détroit de Bonifacio. En outre, il était devenu un très bon pratique de ces parages, où se parlait la même langue qu'il avait parlé en Corse. Le profit des navires qu'il pilotait sur la côte depuis Pola jusqu'à Trieste s'ajoutait encore à ceux que lui procurait l'exploitation de ses eaux poissonneuses. Aussi, en sa maison, y avait-il toujours la part des pauvres gens, et sa fille Maria l'aidait de son mieux dans ses œuvres de charité. Mais le pêcheur de Santa Manza n'avait point oublié la promesse qu'il s'était faite. Vie pour vie. Il avait pris la vie d'un homme, il sauverait la vie d'un autre. Voilà pourquoi, lorsque les deux fugitifs se présentèrent à la porte de sa maison, devinant qui ils étaient, sachant à quelle peine ils s'exposaient, n'avait-il pas hésité à leur dire « Entrez », ajoutant en lui-même « Et que Dieu nous protège tous ». Cependant, l'escouade de police avait passé devant la porte d'Andrea Ferrato sans s'y arrêter. Le comte Sandorf et Étienne Bathory pouvaient donc se croire en sûreté, au moins pour quelques heures de nuit, dans la maison du pêcheur corse. Cette maison était bâtie, non dans la ville, mais à 500 pas des murs, au-delà du port, sur une assise de roche qui dominait la grève. Au-delà, à moins d'une encablure, la mer, brisée contre les écueils du littoral, n'avait point d'autre limite qu'un lointain horizon de ciel. Vers le sud-ouest se projetait en s'arrondissant le promontoire dont la courbure ferme la petite rade de Rovigno sur l'Adriatique. Un rez-de-chaussée, composé de 4 chambres, 2 sur la façade, 2 en arrière, un appentis en volige où l'on déposait ses engins de pêche, formait toute la demeure d'Andrea Ferrato. Son embarcation était une simple balancelle à poupe carrée, de 30 pieds de longueur, qui gréait une grande antenne avec un foc, genre de bateau très favorable aux pêches à la drague. Quand il ne s'en servait pas, elle était mouillée en dedans et à l'abri des roches, où une petite yole mise au sec sur la grève permettait d'aller la rejoindre. Derrière la maison s'étendait un enclos d'un demi-arpent dans lequel poussaient quelques légumes au milieu des mûriers, des oliviers et des vignes. Une haie séparait d'un ruisseau, large de 5 à 6 pieds, et en formait la lisière sur la campagne. Telle était cette humble mais hospitalière demeure où la Providence avait conduit les fugitifs. Telle était l'hôte qui risquait sa liberté pour leur donner asile. Dès que la porte se fut refermée sur eux, le comte Sandorf et Étienne Bathory examinèrent la chambre dans laquelle le pêcheur les avait reçus tout d'abord. C'était la salle principale de la maison, garnie de quelques meubles très proprement entretenus, qui indiquaient le goût et l'assiduité d'une soigneuse ménagère. « Avant tout, il faut manger, » dit Andrea Ferrato. « Oui, nous mourrons de faim, » répondit le comte Sandorf. « Depuis 12 heures, nous sommes privés de nourriture. »« Tu entends, Maria ?» reprit le pêcheur. En un instant, Maria eut déposé sur la table un peu de porc salé, du poisson bouilli, du pain, une fiasque de vin du pays, du raisin sec, avec 2 verres, 2 assiettes, du linge blanc. Un veglione, sorte de lampe à 3 mèches alimentée d'huile, éclairait la salle. Le comte Sandorf et Étienne Bathory se mirent aussitôt à table. Ils étaient à bout de force. « Mais vous, » dirent-ils au pêcheur. « Nous avons soupé, » répondit Andrea Ferrato. Ces deux affamés dévorèrent, c'est le mot, les provisions qui leur étaient offertes avec tant de simplicité et de si bon cœur. Mais tout en mangeant, ils ne cessaient d'observer le pêcheur, sa fille, son fils, assis dans un coin de la salle, qui les regardait sans prononcer une seule parole. Andrea Ferrato pouvait avoir alors 42 ans. C'était un homme de physionomie sévère, un peu triste même, avec des traits expressifs sous le hâle de sa face, des yeux noirs et un vif regard. Il portait le costume des pêcheurs de l'Adriatique, sous lequel on devinait une robuste et puissante carrure. Maria, dont la taille et la figure rappelaient ce qu'avait été sa femme, était grande, bien faite, plutôt belle que jolie, avec d'ardents yeux noirs, une chevelure brune, une peau chaudement colorée par la vivacité du sang corse. Sérieuse, en raison des devoirs qu'elle avait eu à remplir dès son jeune âge, ayant dans son attitude, dans ses mouvements, ce calme que donne une nature réfléchie, tout dénotait en cette jeune fille une énergie dont elle ne devait jamais se départir, quelles que fussent les circonstances où le sort la jetterait. Plusieurs fois elle avait été recherchée par de jeunes pêcheurs de la contrée, sans rien vouloir entendre à ce sujet. Toute sa vie n'appartenait-elle pas à son père et à cet enfant, qui lui semblait être né de son cœur? Quant à Luigi, c'était un garçon déterminé, vaillant, travailleur, déjà habitué à l'existence du marin. Il accompagnait Andrea Ferrato dans ses pêches et pilotages, tête nue, au vent, à la pluie. Il promettait d'être plus tard un homme vigoureux, bien portant, bien constitué, plus que hardi même, audacieux, fait à toutes les intempéries, n'ayant aucun souci du danger. Il aimait son père, il adorait sa sœur. Le comte Sandorf avait minutieusement observé ces trois êtres unis dans une si touchante affection. Qu'il fût chez de braves gens, auxquels il pouvait se fier, nul doute à cet égard. Lorsque le repas fut achevé, Andrea Ferrato se leva et, s'approchant de Mathias Sandorf, « Allez dormir, messieurs, » dit-il simplement. « Personne ne vous sait ici. Demain, nous aviserons. »« Non, Andrea Ferrato, non, » répondit le comte Sandorf. « Maintenant, notre faim est apaisée. Nous avons repris nos forces. Laissez-nous quitter à l'instant cette maison où notre présence est un si grand danger pour vous et pour les vôtres. »« Oui, partons, » ajouta Étienne Bathory, « et que Dieu vous récompense de ce que vous venez de faire. » « Allez dormir, il le faut, » reprit le pêcheur. « La côte est surveillée ce soir. On a mis l'embargo sur tous les ports du littoral. Il n'y a rien à tenter pour cette nuit. »« Soit, puisque vous le voulez, » répondit le comte Sandorf. « Je le veux. » »« Un mot seulement. Depuis quand notre évasion est-elle connue ?»« Depuis ce matin, » répondit Andrea Ferrato. « Mais vous étiez quatre prisonniers au donjon de Piscino. Vous n'êtes que deux ici. » Le troisième va être mis en liberté, dit-on. Sarcani ? S'écria Mathias Sandorf, en réprimant aussitôt le mouvement de colère qui s'était irrésistiblement emparé de lui lorsqu'il entendit ce nom exécré. Et le quatrième ? Demanda Étienne Bathory, sans oser achever sa phrase. Le quatrième est encore vivant, répondit Andrea Ferrato. Il y a eu sursis à l'exécution. Vivant ? S'écria Étienne Bathory. « Oui, » répondit ironiquement le comte Sandorf, « on veut attendre que nous ayons été repris pour nous donner cette joie de mourir ensemble. »« Maria, » dit Andrea Ferrato, « conduis nos hôtes à la chambre, derrière la maison, sur l'enclos, mais sans lumière. Ce soir, il ne faut pas que la fenêtre paraisse éclairée au dehors. Tu pourras te coucher ensuite. Luigi et moi nous veillerons. »« Oui, père, » répondit le jeune garçon. « Venez, messieurs, » dit la jeune fille. Un instant après, le comte Sandorf et son compagnon échangeaient une cordiale poignée de main avec le pêcheur. Puis ils passèrent dans la chambre où les attendaient deux bons matelas de maïs sur lesquels ils allaient pouvoir se remettre de tant de fatigue. Mais déjà, Andrea Ferrato avait quitté sa maison avec Luigi. Il voulait s'assurer que personne ne rôdait aux alentours, ni sur la grève, ni au-delà du petit ruisseau. Les fugitifs pouvaient donc paisiblement reposer jusqu'au lever du jour. La nuit se passa sans incident. Le pêcheur était sorti à plusieurs reprises. Il n'avait rien vu de suspect. Le lendemain 18 juin, pendant que ses hôtes dormaient encore, Andrea Ferrato alla aux informations jusqu'au centre de la ville et sur les quais du port. En plusieurs endroits, il y avait rassemblement de causeurs et de curieux. Le placard affiché depuis la veille qui annonçait l'évasion, les peines encourues, la prime promise, cela faisait le sujet de toutes les conversations. On bavardait, on apportait des nouvelles, on répétait des on-dit, en termes vagues qui n'apprenaient pas grand-chose. Rien n'indiquait que le comte Sandorf et son compagnon eussent été vus aux environs, ni même que l'on soupçonnât leur présence dans la province. Toutefois, vers 10 heures du matin, lorsque le brigadier de gendarmerie et ses hommes furent rentrés à Rovigno après leur tournée de nuit, le bruit se répandit que 2 étrangers avaient été aperçus 24 heures avant, sur les bords du canal de l'Ême. On avait battu toute la région, jusqu'à la mer, pour retrouver leurs traces, mais sans résultat. Il n'était resté aucun vestige de leur passage. Avaient-ils donc pu atteindre le littoral, s'emparer d'une embarcation, gagner un autre point de l'Istrie ou même s'enfuir au-delà de la frontière autrichienne? Tout portait à le croire. « Bon, disait-on, ce seront toujours 5 000 florins d'épargnés pour le trésor. Un argent qui pourra être mieux employé qu'à payer d'odieuses dénonciations. Oui, et puisse-t-il s'échapper ?»« S'échapper ? C'est fait, allez. Et ils sont déjà en sûreté de l'autre côté de l'Adriatique. » D'après ces propos qui se tenaient dans la plupart des groupes de paysans, d'ouvriers et de bourgeois arrêtés devant les placards, l'opinion publique, on le voit, se déclarait plutôt en faveur des condamnés, du moins parmi ses citoyens de l'Istrie, slaves ou italiens d'origine. Les fonctionnaires autrichiens ne pouvaient donc guère compter sur une dénonciation de leur part. Aussi ne négligeaient-ils rien pour retrouver les fugitifs. Toutes les escouades de police et les brigades de gendarmerie étaient sur pied depuis la veille et un incessant échange de dépêches se faisait entre Rovigno, Picino et Trieste. Lorsqu'Andrea Ferrato rentra chez lui vers 11 heures, il rapporta ses nouvelles qui étaient plutôt bonnes que mauvaises. Le comte Sandorf et Étienne Bathory, servis par Maria dans la chambre où ils avaient passé la nuit, finissaient de déjeuner en ce moment. Ces quelques heures de sommeil, ce bon repas, ces bons soins, les avaient entièrement remis de leur fatigue. « Eh bien, mon ami, demanda le comte Sandorf dès que la porte se fut refermée sur Andrea Ferrato. « Messieurs, répondit le pêcheur, je pense que vous n'avez rien à craindre pour l'instant. « Mais que dit-on dans la ville ? Demanda Étienne Bathory. « On parle bien de 2 étrangers qui auraient été vus hier matin au moment où ils débarquaient sur les grèves du canal de l'Ême. « Et s'il s'agit de vous, messieurs ? Il s'agit de nous, en effet, répondit Étienne Bathory. Un homme, un paludier du voisinage, nous a aperçus et dénoncés. Et Andrea Ferrato fut mis au courant de ce qui s'était passé à la ferme en ruine pendant que les fugitifs y étaient cachés. « Et vous ne savez pas quel est ce dénonciateur ? » demanda le pêcheur en insistant. « Nous ne l'avons pas vu, répondit le comte Sandorf. Nous n'avons fait que l'entendre. » « C'est une circonstance fâcheuse, reprit Andrea Ferrato. Mais l'important est qu'on ait perdu vos traces. Et d'ailleurs, dans le cas où l'on soupçonnerait que vous vous êtes réfugié dans ma maison, je pense que vous n'auriez aucune délation à craindre. Les vœux sont pour vous, dans tout le pays de Rovigno. Oui, répondit le comte Sandorf, et je n'en suis pas surpris. C'est une brave population que la population de ces provinces. Cependant, il faut compter avec les autorités autrichiennes. Elles ne reculeront devant rien pour tenter de nous reprendre. « Ce qui doit vous rassurer, messieurs, reprit le pêcheur, c'est l'opinion à peu près générale où l'on est que vous avez déjà dû passer de l'autre côté de l'Adriatique. « Et plût à Dieu que ce fût, ajouta Maria qui avait joint les mains comme dans une prière. « Cela sera, ma chère enfant, répondit le comte Sandorf avec l'accent de la plus entière confiance. « Cela sera avec l'aide du ciel. « Et la mienne, monsieur le comte, répliqua Andrea Ferrato. « Maintenant, je vais aller à mes occupations, comme à l'ordinaire. On est habitué à nous voir, Luigi et moi, raccommodant nos filets sur la grève ou nettoyant notre balancelle, et il ne faut rien changer à nos habitudes. D'ailleurs, j'ai besoin de reconnaître quel est l'état du ciel avant de me décider. Veuillez rester dans cette chambre. Ne la quittez sous aucun prétexte. Au besoin, afin de moins éveiller les soupçons, ouvrez-en la fenêtre qui donne sur l'enclos. Mais demeurez au fond et ne vous montrez pas. Je reviendrai dans une heure ou deux. » Cela dit, Andrea Ferrato quitta la maison avec son fils, laissant Maria vaquer à ses travaux accoutumés devant la porte. Quelques pêcheurs allaient et venaient le long de la grève. Andrea Ferrato voulut, par précaution, échanger divers propos avec eux avant d'aller étendre ses filets sur le sable. « Un vent d'est bien établi, » dit l'un d'eux. « Oui, » répondit Andrea Ferrato, « l'orage d'avant-hier a rudement nettoyé l'horizon. Ajouta un autre, « la brise pourrait bien fraîchir avec le soir et tourner à la rafale si la bora s'en mêle. Bon, ce sera toujours un vent de terre et la mer ne sera jamais dure entre les roches. Et il faudra voir. Iras-tu pêcher cette nuit, Andrea ? Sans doute, si le temps le permet. Mais l'embargo ? L'embargo n'est mis que sur les grands navires, non sur les barques qui ne s'éloignent pas du littoral. Tant mieux, car on a signalé des bancs de tonines qui viennent du sud, et il ne faut pas tarder à disposer nos madragues. Bon, répondit Andrea Ferrato, il n'y a pas de temps perdu. Et peut-être ? Non, te dis-je. Et si je sors cette nuit, j'irai à la pêche au Bonicou, du côté d'Orsera ou de Parenzo. À ton aise, mais quant à nous, nous travaillerons à installer nos madragues au pied des roches. Comme vous voudrez. Andrea Ferrato et Luigi allèrent alors chercher leurs filets déposés dans la pantie, et ils les étalèrent sur le sable afin de les faire sécher au soleil. Puis, 2 heures après, le pêcheur rentra à sa maison après avoir recommandé à son fils de préparer les crocs qui servent à achever les bonicous, sorte de poissons à chair rouge foncée, appartenant au genre des thons de l'espèce des anxides. 10 minutes plus tard, après avoir fumé sur le pas de sa porte, Andrea Ferrato rejoignait ses hôtes dans leur chambre pendant que Maria continuait à travailler devant la maison. « Monsieur le comte, » dit le pêcheur, « le vent vient de terre et je ne pense pas que la mer soit mauvaise cette nuit. Or le moyen le plus simple, et par conséquent le meilleur pour fuir sans laisser de traces, c'est de vous embarquer avec moi. Si vous vous décidez, le mieux sera de partir ce soir, vers 10 heures. À ce moment, vous vous glisserez entre les roches jusqu'à la lisière du Ressac. Personne ne vous verra. Mayol vous conduira à la balancelle et aussitôt nous prendrons la mer, sans éveiller l'attention, puisqu'on sait que je dois sortir cette nuit. Si la brise fraîchit trop, je longerai le littoral de manière à vous débarquer au-delà de la frontière autrichienne, en dehors des bouches de Cattaro. » « Et si elle ne fraîchit pas ? » demanda le comte Sandorf. « Que comptez-vous faire ?»« Nous gagnerons le large, » répondit le pêcheur. « Nous traverserons l'Adriatique et je vous débarquerai du côté de Rimini ou à l'embouchure du Pô. » « Votre embarcation peut-elle suffire à cette traversée ?» demanda Étienne Bathory. « Oui, c'est un bon bateau, à demi-ponté, que mon fils et moi nous avons déjà éprouvé par de grands mauvais temps. D'ailleurs, il faut bien courir quelques risques. »« Que nous courions des risques, » répondit le comte Sandorf, « nous, dont l'existence est en jeu, rien de plus naturel. Mais vous, mon ami, que vous risquiez votre vie ?»« Cela me regarde, monsieur le comte, » répondit Andrea Ferrato. Et je ne fais que mon devoir en voulant vous sauver. » Votre devoir ? Oui. Et Andrea Ferrato raconta cet épisode de sa vie, à la suite duquel il avait dû quitter Santa Manza en Corse, et comment le bien qu'il allait faire ne serait qu'une juste compensation du mal qu'il avait fait. Brave cœur ! S'écria le comte Sandorf, ému par ce récit. Puis, reprenant, mais que nous allions aux bouches de Cattaro, ou à la côte italienne, cela nécessitera une assez longue absence, qui, de votre part, peut étonner les gens de Rovigno. Il ne faut pas, après nous avoir mis en sûreté, que vous puissiez à votre retour être arrêté. Ne craignez rien, monsieur le comte, répondit Andrea Ferrato. Je reste quelquefois 5 ou 6 jours à la mer, à l'époque des grandes pêches. D'ailleurs, je vous le répète, cela me regarde. C'est ainsi qu'il faut faire et c'est ainsi que nous ferons. » Il n'y avait pas à discuter la résolution du pêcheur. Le projet d'Andrea Ferrato était évidemment le meilleur et d'une exécution facile, puisque la balancelle, il l'espérait du moins, n'aurait rien à redouter de l'état de la mer. Il n'y avait de précautions à prendre qu'au moment de l'embarquement. Mais la nuit serait déjà sombre, sans lune, et très probablement, avec le soir, sur la côte, se lèverait une de ces épaisses brumes qui ne s'étendent pas au large. À cette heure, le long de la grève déserte, sauf un ou deux douaniers parcourant l'arpentière, on ne trouverait personne. Quant aux autres pêcheurs, les voisins d'Andrea Ferrato, ainsi qu'il l'avait dit, ils seraient occupés à tendre leur madrague sur des pics en dehors du semis des roches, c'est-à-dire à 2 ou 3 milles au-dessous de Rovigno. Lorsqu'ils apercevraient la balancelle, s'ils l'apercevaient, elle serait déjà loin en mer, avec les deux fugitifs cachés sous son pont. Et quelle est la distance en droite ligne qui sépare le port de Rovigno du point le plus rapproché de la côte italienne ? Demanda alors Étienne Bathory. 50 000 environ. Combien de temps faut-il pour la franchir? Avec ce vent portant, nous pouvons traverser en une douzaine d'heures. Mais vous êtes sans argent, il vous en faut. Prenez cette ceinture où il y a 300 florins et mettez-vous là autour du corps. Mon ami, dit Mathias Sandorff, vous me rendrez cela plus tard, répliqua le pêcheur, quand vous serez en sûreté. Et maintenant, attendez-moi. Les choses étant ainsi convenues, Andrea Ferrato se retira et vint reprendre ses occupations habituelles, tantôt travaillant sur la grève, tantôt s'occupant dans sa maison. Luigi, sans avoir été remarqué, put transporter des provisions pour quelques jours à bord de la balancelle, après les avoir préalablement enveloppées dans une voile de rechange. Aucun soupçon n'eût été possible qui eût pu contrarier les projets d'Andrea Ferrato. Il poussa même les précautions jusqu'à ne plus revoir ses hôtes pendant le reste de la journée. Mathias Sandorff et Étienne Bathory demeurèrent cachés au fond de la petite chambre, dont la fenêtre resta toujours ouverte. Lorsqu'il serait temps de quitter la maison, le pêcheur s'était chargé de les prévenir. D'ailleurs, plusieurs de ses voisins vinrent causer familièrement avec lui pendant l'après-midi à propos de pêche et de l'apparition des tonines sur les parages de l'Istrie. Andrea Ferrato les reçut dans la salle commune et leur offrit à boire suivant la coutume. La plus grande partie du jour se passa ainsi, en allées et venues, en conversation. Quelquefois il fut question des prisonniers en fuite. Le bruit courut même un instant qu'ils venaient d'être pris du côté du canal de Quarnero, sur la côte opposée de l'Istrie. Bruit qui fut démenti peu après. Tout semblait donc aller pour le mieux. Que le littoral fût surveillé avec plus de soin qu'à l'ordinaire, soit par les préposés de la douane, soit par les agents de la police ou les gendarmes, cela était certain. Mais sans doute il ne serait pas difficile de tromper cette surveillance une fois la nuit venue. L'embargo, on le sait, n'avait été émis que sur les navires de long cours ou les caboteurs de la Méditerranée, non sur les barques de pêche qui restent sur le littoral. L'appareillage de la balancelle pourrait donc se faire en dehors de tout soupçon. Toutefois, Andrea Ferrato avait compté sans une visite qu'il reçut vers les 6 heures du soir. Cette visite le surprit d'abord, si elle ne l'inquiéta pas autrement. Il n'en devait comprendre la menaçante signification qu'après le départ du visiteur. 8 heures venaient de sonner. Maria s'occupait des préparatifs du souper et le couvert était déjà mis sur la table dans la grande salle, lorsque 2 coups furent frappés à la porte de la maison. Andrea Ferrato n'hésita pas à aller ouvrir. Très surpris, il se trouva en présence de l'Espagnol Carpena. Ce Carpena était originaire d'Almayat, petite ville de la province de Malaga. Tout comme Andrea Ferrato avait quitté la Corse, lui avait quitté l'Espagne sans doute à la suite de quelques mauvaises affaires, pour venir s'établir dans l'Istrie. Là, il faisait le métier de paludier ou de saunier, transportant dans l'intérieur les produits des salines de la côte occidentale, métier ingrat avec lequel il gagnait tout juste de quoi vivre. C'était un homme vigoureux, jeune encore, ayant à peine 25 ans, court de taille, mais large d'épaules, avec une grosse tête toute crêpée de cheveux rudes et noirs, et une de ces faces de bouledogue qui ne rassurent pas plus dans une tête d'homme que dans une tête de chien. Carpena, peu sociable, haineux, vindicatif, et de plus assez lâche, n'était guère aimé dans le pays. On ne savait trop pourquoi il avait dû s'expatrier. Plusieurs querelles avec ses camarades des Salines, menaces à l'un et à l'autre, rixes qui s'en étaient suivies, tout cela n'avait pu lui constituer une bonne réputation. On le tenait volontiers à l'écart. Cependant, Carpena n'avait point triste opinion de lui-même, ni de sa personne, loin de là. C'est ce qui explique, et on verra à quel propos, pourquoi il avait essayé d'entrer en relation avec Andrea Ferrato. Le pêcheur, il faut l'avouer, l'avait assez mal reçu dès ses premières ouvertures. Cela se comprendra lorsque les prétentions de cet homme auront été dévoilées dans la conversation qui va suivre. Carpena avait à peine fait un pas dans la salle qu'Andrea Ferrato l'arrêtait en lui disant « Que venez-vous faire ici ?»« Je passais, et comme j'ai aperçu de la lumière chez vous, je suis entré. »« Et pourquoi ?»« Pour vous rendre visite, mon voisin. » Vos visites ne me plaisent pas, vous le savez. Ordinairement, répondit l'Espagnol, mais aujourd'hui ce sera peut-être différent. Andrea Ferrato ne comprit pas et ne pouvait deviner ce que ces paroles, assez énigmatiques, signifiaient dans la bouche de Carpena. Et cependant, il ne put retenir un rapide tressaillement qui n'échappa point à son visiteur. Celui-ci avait refermé la porte. J'ai à vous parler, répéta-t-il. « Non, vous n'avez rien à me dire. »« Mais si, il faut que je vous parle, en particulier, » ajouta l'Espagnol en baissant un peu la voix. « Bon, alors venez donc, » répondit le pêcheur, qui, ce jour-là, avait ses raisons pour ne refuser l'entrée de sa demeure à personne. Carpena, sur un signe d'Andrea Ferrato, traversa la grande salle et le suivit dans sa chambre. Cette chambre n'était séparée que par un mince refend de celle qu'occupaient le comte Sandorf et son compagnon. L'une s'ouvrait sur la façade de la maison, l'autre sur l'enclos. Dès que tous deux furent seuls, « Que me voulez-vous ? » demanda le pêcheur. « Mon voisin, répondit Carpena, je viens encore faire appel à votre bonne amitié. » « Et à quel propos ? » « À propos de votre fille. » « Ah non, non, pas un mot de plus. » « Écoutez donc, vous savez que j'aime Maria et que mon plus vif désir est de l'avoir pour femme. » C'était la prétention de Carpena. En effet, depuis plusieurs mois, il poursuivait la jeune fille de ses assiduités. On le pense bien, l'intérêt l'y poussait plus que l'amour. Andrea Ferrato était dans l'aisance pour un simple pêcheur et relativement à l'Espagnol qui ne possédait rien, il était riche. Rien de plus naturel dès lors que Carpena eût eu la pensée de devenir son gendre. Mais rien de plus naturel aussi que le pêcheur l'eût invariablement éconduit, puisqu'il ne pouvait lui convenir sous aucun rapport. « Carpena, répondit froidement Andrea Ferrato, vous vous êtes déjà adressé à ma fille, elle vous a dit non. Vous vous êtes déjà adressé à moi, je vous ai dit non. Vous insistez encore aujourd'hui, et je vous répète non pour la dernière fois. » La figure de l'Espagnol se contracta violemment. Ses lèvres s'étaient relevées en laissant voir ses dents. Ses yeux avaient lancé un regard féroce. Mais la chambre mal éclairée ne permit pas à Andrea Ferrato d'observer cette physionomie méchante. « C'est votre dernier mot ?» demanda Carpena. « C'est mon dernier mot, si c'est pour la dernière fois que vous refaites cette demande, » répondit le pêcheur. « Mais si vous la renouvelez, vous aurez la même réponse. » « Oh, je la renouvellerai, oui, je la renouvellerai, » répéta Carpena, « si Maria me dit de le faire. »« Elle ?» s'écria Andrea Ferrato. « Elle ? Vous savez bien que ma fille n'a pour vous ni amitié ni estime. » « Ses sentiments pourront changer lorsque j'aurai eu un entretien avec elle, » répondit Carpena. « Un entretien ? » ?»« Oui, Ferrato, je désire lui parler. » « Et quand ?» Mais tout de suite ? Vous entendez, il faut que je lui parle. Il le faut, ce soir même. Je refuse pour elle. Prenez garde à ce que vous faites, dit Carpena en haussant la voix. Prenez garde. Prendre garde? Oui, je me vengerai. Et venge-toi si tu le peux ou si tu l'oses, Carpena, répondit Andrea Ferrato qui s'emportait à son tour. Tes menaces ne me font pas peur, tu le sais. Et maintenant sors ou je te jette hors d'ici. Le sang monta aux yeux de l'Espagnol. Peut-être allait-il se porter à quelque violence contre le pêcheur, mais il parvint à se maîtriser, et après avoir poussé violemment la porte, il s'élança dans la salle, puis hors de la maison, sans avoir prononcé un seul mot. Il était à peine sorti que la porte de la chambre voisine, occupée par les fugitifs, s'ouvrait. Le comte Sandorf, qui n'avait rien perdu de cette conversation, parut sur le seuil, et s'avançant vers Andrea Ferrato, il lui dit à voix basse. « Cet homme est celui qui nous a dénoncés au brigadier de gendarmerie. Il nous connaît, il nous a vus quand nous avons débarqué sur le canal de l'Eme. Il nous a suivis jusqu'à Rovigno. Il sait, évidemment, que vous nous avez donné refuge dans votre maison. Donc laissez-nous fuir à l'instant où nous sommes perdus, et vous aussi. » Chapitre 9. Derniers efforts dans une dernière lutte. Andrea Ferrato était resté silencieux. Il n'avait rien trouvé à répondre au comte Sandorf. Son sang de Corse bouillonnait en lui. Il avait oublié les deux fugitifs pour lesquels il avait tant risqué jusqu'alors. Il ne pensait plus qu'à l'Espagnol. Il ne voyait plus que Carpena. « Le misérable, le misérable !» murmura-t-il enfin. « Oui, il sait tout. Nous sommes à sa merci. J'aurais dû le comprendre. » Mathias Sandorf et Étienne Báthory regardaient anxieusement le pêcheur. Ils attendaient ce qu'il allait dire, ce qu'il allait faire. Il n'y avait pas un instant à perdre pour prendre un parti. L'œuvre de délation était déjà accomplie, peut-être. « Monsieur le comte, dit enfin Andrea Ferrato, la police peut envahir ma maison d'un moment à l'autre. Oui, ce gueux doit savoir, ou tout au moins supposer que vous êtes ici. C'est un marché qu'il est venu me proposer, ma fille pour prix de son silence. Il vous perdra pour se venger de moi. Or, si les agents viennent, il n'est pas possible de leur échapper et vous serez découvert. Oui, il faut fuir à l'instant. Vous avez raison, Ferrato, répondit le comte Sandorf. Mais avant de nous séparer, laissez-moi vous remercier de ce que vous avez fait pour nous et de ce que vous vouliez faire. Ce que je voulais faire, je le veux faire encore, dit gravement Andrea Ferrato. Nous refusons, répondit Étienne Báthory. Oui, nous refusons, ajouta le comte Sandorf. Vous vous êtes déjà trop compromis. Si on nous trouve dans votre demeure, c'est le bagne qui vous attend. Bien, Étienne, quittons cette maison avant d'y avoir apporté la ruine et le malheur. Fuyons, mais fuyons seuls. Andrea Ferrato arrêta de la main le comte Sandorf. Où iriez-vous, dit-il. Le pays est tout entier sous la surveillance des autorités. Les agents de la police et les gendarmes cours nuit et jour à la campagne. Il n'y a pas un point du littoral où vous puissiez vous embarquer, pas un sentier de libre qui vous conduise à la frontière. Partir sans moi, c'est aller à la mort. Suivez mon père, messieurs, ajouta Maria. Quoi qu'il puisse arriver, il ne fait que son devoir en tentant de vous sauver. Bien, ma fille, répondit Andrea Ferrato. Ce n'est que mon devoir, en effet. Ton frère doit nous attendre à l'aïeul. La nuit est très noire. Avant qu'on s'en soit aperçu, nous serons en mer. Embrasse-moi, Maria. Embrasse-moi et partons. Cependant, le comte Sandorf et son compagnon ne voulaient pas se rendre. Ils refusaient d'accepter un tel dévouement. Quitter cette maison à l'instant pour ne pas compromettre le pêcheur, oui. S'embarquer sous sa conduite, quand il y allait du bagne, non. Viens, dit Mathias Sandorf à Étienne Báthory. Une fois hors de cette maison, il n'y aura plus rien à craindre que pour nous seuls. » Et par la fenêtre ouverte de leur chambre, Tous deux allaient se précipiter à travers le petit enclos pour gagner soit le littoral, soit l'intérieur de la province, lorsque Luigi entra précipitamment. « Les agents !» dit-il. « Adieu !» s'écria Mathias Sandorf, et suivi de son compagnon, il sauta par la fenêtre. À ce moment, une escouade d'agents de police faisait irruption dans la salle basse. C'était Carpena qui les conduisait. « Misérable !» dit Andrea Ferrato. « C'est ma réponse à ton refus !» répondit l'Espagnol. Le pêcheur avait été saisi et garrotté. En un instant, les agents eurent occupé et visité toutes les chambres de la maison. La fenêtre, ouverte sur l'enclos, leur indiqua quel chemin venaient de prendre les fugitifs. Ils se lancèrent à leur poursuite. Tous deux venaient alors d'atteindre la haie que délimitait au fond le petit ruisseau. Le comte Sandorf, après l'avoir sauté d'un bond, aidait Étienne Bathory à la franchir à son tour quand un coup de feu éclata à 50 pas de lui. Étienne Bathory venait d'être frappé par une balle qui ne fit que lui effleurer l'épaule, il est vrai. Mais son bras resta paralysé et il lui fut impossible de se prêter à l'effort de son compagnon. « Fuis !» lui cria-t-il. « Fuis, Mathias !»« Non, Étienne, non. Nous mourrons ensemble, » répondit le comte Sandorf après avoir tenté une dernière fois de soulever son compagnon blessé entre ses bras. « Fuis, Mathias !» répéta Étienne Bathory. Et vit pour faire justice des traîtres. » Ces dernières paroles d'Étienne Bathory furent comme un ordre pour le comte Sandorf. À lui allait incomber maintenant l'œuvre des trois, à lui seul. Le magnat de la Transylvanie, le conspirateur de Trieste, le compagnon d'Étienne Bathory et de Ladislas Zatmar devaient faire place au justicier. À ce moment, les agents qui avaient atteint l'extrémité de l'enclos se jetèrent sur le blessé. Le comte Sandorf allait tomber entre leurs mains s'il hésitait, ne fût-ce qu'une seconde. « Adieu, Étienne, adieu » s'écria-t-il. Et d'un bond prodigieux, il franchit le ruisseau dont le cours longeait la haie, puis disparut. 5 ou 6 coups de fusil furent tirés dans cette direction, mais les balles ne touchèrent pas le fugitif, qui, se jetant de côté, courut rapidement vers la mer. Les agents, cependant, étaient assez étrousses. Ne pouvant l'apercevoir dans l'ombre, ils ne songèrent point à gagner directement sur lui. Ils se dispersèrent afin de lui couper toute retraite, aussi bien vers l'intérieur du pays que du côté de la ville et du promontoire qui ferme la baie au nord de Rovigno. Une brigade de gendarmes était venue à leur aide et manœuvra de façon à ce que le comte Sandorf n'eût plus d'accès que vers le littoral. Mais là, à la lisière des récifs, que ferait-il ? Parviendrait-il à s'emparer d'un canot pour se lancer en pleine Adriatique? Il n'en aurait pas le temps, et avant d'avoir même pu le démarrer, il serait tombé sous les balles. Toutefois, il avait bien compris que la retraite allait lui être coupée dans la direction de l'Est. L'éclat des coups de feu, les cris que jetaient les agents et les gendarmes en se rapprochant, lui indiquaient qu'il était déjà cerné en arrière de la grève. Il ne pouvait donc fuir que vers la mer, et par la mer. C'était sans doute courir à une mort certaine, mais mieux valait encore la trouver dans les flots que de l'attendre devant le peloton d'exécution sur la place d'armes de la forteresse de Picino. Le comte Sandorf s'élança donc vers le rivage. En quelques bonds, il eut atteint les premières petites lames que le ressac promenait sur le sable. Il sentait déjà les agents derrière lui, et des balles, tirées au jugé, lui rasaient parfois la tête. Au-delà de la grève, ainsi que cela se voit sur tout ce littoral de l'Istrie, un semis d'écueils formé de roches isolées pointait çà et là en dehors de la grève. Entre ces roches, de nombreuses flaques d'eau remplissaient les creux du sable, ceux-ci profonds de plusieurs pieds, ceux-là dans lesquels la cheville se fut mouillée à peine. C'était le dernier chemin qui fut encore ouvert devant Mathias Sandorf. Bien qu'il ne pût douter que la mort l'attendît au bout, il n'hésita pas à le suivre. Le voilà donc franchissant les flaques d'eau, sautant de roche en roche. Mais alors sa silhouette se détacha plus visiblement sur le fond moins obscur de l'horizon. Aussitôt des cris le signalèrent et les agents se lancèrent après lui. Le comte Sandorf était résolu, d'ailleurs, à ne pas se laisser prendre vivant. Si la mer le rendait, elle ne rendrait qu'un cadavre. Cette difficile poursuite sur des pierres glissantes ou ébranlées, sur des goémons et des varechs visqueux, à travers des flaques d'eau où chaque pas risquait d'entraîner une chute, dura plus d'un demi-quart d'heure. Le fugitif était parvenu à conserver son avance, mais le terrain solide allait bientôt lui manquer. En effet, il arriva sur l'une des dernières roches du récif. Deux ou trois des agents n'étaient plus qu'à 10 pas de lui, les autres à une vingtaine en arrière. Le comte Sandorf se redressa alors. Un dernier cri lui échappa, un cri d'adieu jeté vers le ciel. Puis, au moment où une décharge l'enveloppait d'une grêle de balles, il se précipita dans la mer. Les agents, arrivés à la lisière même des roches, n'aperçurent plus que la tête du fugitif comme un point noir tourné vers le large. Nouvelle décharge qui fit crépiter l'eau autour de Mathias Sandorf. Et sans doute, une ou plusieurs balles durent l'atteindre, car il s'enfonça sous les flots pour ne plus reparaître. Jusqu'au jour, gendarmes et agents de police restèrent à observer le semis d'écueils, les sables de la grève, depuis le promontoire au nord de la baie jusqu'au-delà du fort de Rovigno. Ce fut inutilement. Rien n'indiqua que le comte Sandorf eût pu reprendre pied sur le littoral. Il demeura donc constant que s'il n'avait pas été tué d'une balle, il s'était noyé. Cependant, malgré toutes les recherches faites avec soin, aucun corps ne fut retrouvé dans les brisants, ni sur une lisière de plus de 2 lieues. Et comme le vent venait de terre, avec le courant qui portait alors vers le sud-ouest, il n'était pas douteux que le cadavre du fugitif n'eût été entraîné vers la haute mer. Le comte Sandorf, le seigneur Magyar, avait donc eu pour tombeau les flots de l'Adriatique. Après une minutieuse enquête, ce fut cette version, la plus naturelle en somme, que le gouvernement autrichien adopta. Aussi la justice dut-elle suivre son cours. Étienne Báthory, pris dans les conditions que l'on sait, fut reconduit pendant la nuit et sous escorte au donjon de Picino, puis réuni pour quelques heures seulement à Ladislas Zatmar. L'exécution était fixée au lendemain, 30 juin. Sans doute, à ce moment suprême, Étienne Báthory aurait pu revoir une dernière fois sa femme et son enfant. Ladislas Zatmar aurait pu recevoir un dernier embrassement de son serviteur, car l'autorisation avait été donnée de les admettre au donjon de Picino. Mais Madame Báthory et son fils, ainsi que Boric, qui était sorti de prison, avaient quitté Trieste, ne sachant où les prisonniers avaient été conduits, puisque l'arrestation avait été tenue secrète. Ils les avaient cherchés jusqu'en Hongrie, jusqu'en Autriche, et après la condamnation prononcée, on ne put les retrouver à temps. Étienne Báthory n'eut donc pas cette dernière consolation de revoir sa femme et son fils. Il ne put leur dire le nom de ces traîtres que ne pourrait atteindre maintenant la justice de Mathias Sandorf. Étienne Báthory et Ladislas Zatmar, à 5 heures du soir, furent passés par les armes sur la place de la forteresse. Ils moururent en hommes qui avaient fait le sacrifice de leur vie pour leur pays. Silas, Torontal et Sarkany pouvaient se croire à l'abri de toute représailles désormais. En effet, le secret de leur trahison n'était connu que d'eux seuls et du gouverneur de Trieste, trahison qui leur fut payée avec la moitié des biens de Mathias Sandorf, l'autre moitié par grâce spéciale ayant été réservée pour l'héritière du comte quand elle aurait atteint sa 18e année. Silas, Torontal et Sarkany, insensibles à toute espèce de remords, pouvaient donc jouir en paix des richesses obtenues par leur abominable trahison. Un autre traître, lui aussi, semblait ne plus rien avoir à craindre. C'était l'Espagnol Carpena, auquel avait été payée la prime de 5 000 florins accordée au délateur. Mais si le banquier et son complice pouvaient rester à Trieste, la tête haute, puisque le secret leur avait été gardé, Carpena, lui, sous le poids de la réprobation publique, dû quitter Rovigno pour aller vivre on ne sait où. Que lui importait d'ailleurs? Il n'avait plus rien à redouter, pas même la vengeance d'Andrea Ferrato. Le pêcheur, en effet, avait été emprisonné, jugé, condamné à la peine des galères perpétuelles pour avoir donné refuge aux fugitifs. Maria, maintenant seule avec son jeune frère Luigi, c'était la misère qui les attendait tous deux dans cette maison dont le père avait été arraché pour n'y jamais revenir. Ainsi donc, trois misérables, dans un intérêt purement cupide, sans même qu'un sentiment de haine les animât contre leur victime, Carpena excepté peut-être, l'un pour rétablir ses affaires compromises, les deux autres pour se procurer la richesse, n'avaient pas reculé devant cette odieuse machination. Une telle infamie ne sera-t-elle donc pas punie sur cette terre, où la justice de Dieu ne s'exerce pas toujours? Le comte Sandorf, le comte Zatmar, Étienne Bathory, ces trois patriotes, Andrea Ferrato, cet homme de bien, ne seront-ils pas vengés? À l'avenir de réponse.